Comment qu'on commence ça déjà? Ah oui, on a une amorce, c'est écrit. J'ai juste allé. Ah non! 1, 2, 3, 4, go! On monte le micro. Nous sommes le jeudi 27 janvier 2022. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 337. Je suis Narf. Je suis Blur. Je suis Anne-Marie. Et oui! On est de retour après... We are back! Après une motadite longue absence et un changement d'année, I guess qu'on a pris congé, là. Je pense ouais, que c'est... Ouais, c'est ça. On était fatigués, là. Ben, genre, je sais pas vous, moi j'ai vraiment l'impression qu'on a arrêté à cause de moi. Parce que comme... Ben, au début, j'étais willing de continuer, puis tu sais, j'ai streamé une fois, là. Mais après ça, j'étais crevé moi aussi, puis j'en ai juste profité pour me reposer, là. Fait que, no stress, tu sais. Si j'avais vraiment voulu, j'aurais continué à streamer tous les jeudis, puis je l'ai pas fait. Faut pas oublier qu'on existe à cause de toi aussi. C'est vrai qu'en tant que figment de ton imagination, c'était pas là, ouais. On existe juste parce que tu nous observes. Merde. Marc, il vient de planter sur mon Discord. Je trouve juste ça vraiment drôle parce que ça a planté quand t'as dit en tant que figment de ton imagination. Que ça a gelé. J'étais comme, oh shit, l'illusion se brise. C'est ça. J'étais comme, merde. Il est après m'éliminer. Pourtant, j'ai rebooté mon routeur tantôt hein, parce que j'avais effectivement des problèmes, mais ça a l'air que c'est la ligne au complet ou je sais pas. Fait que ouais, je sais plus, on avait-tu parlé pourquoi on avait arrêté ou on a même pas jamais fait d'émission? Je veux dire, on a fait des fausses émissions ou est-ce qu'on a fait des lives sans enregistrer? On a pas mal fait ça jusqu'à Noël, fait que c'est pas mal, genre Noël est arrivé puis on a pas reparti, je pense plus. Ça ressemble à ça. Mais c'est ça, je veux dire, les podcasts, on a arrêté comme en... Je sais pas c'est quand le dernier qu'on a fait, l'épisode 336, dans le fond, on l'a enregistré quand? Alors, j'imagine qu'on peut le voir sur la feuille de route. Je pense que c'est début décembre, parce que... à cause de l'affaire de Starbucks dans le chat de Discord, là. Ça devait être le dernier. Non. C'était pas... Oh, non, peut-être que ça, c'était parce qu'on faisait des lives, mais pas... Ouais, pour ceux qui savent pas, il y a quelqu'un qui s'est fait un sexagintuple frappuccino dans un verre de 128 onces, puis a réussi à le passer comme son drink gratuit au Starbucks. Et je ne peux pas voir cette image-là et pas trouver ça drôle, même si ça fait 50 fois. Hey, l'épisode 336, c'est le 4 novembre, man. Ouais, c'est ça. Aïe aïe! On est arrêté depuis le 4 novembre. J'appelle Jean Chrétien. C'était le 4 novembre. Mais c'est ça, je veux dire... Juste pour donner un peu de contexte, là, dans le fond, je suis en arrêt de travail pour burn-out. Et puis, qu'est-ce qui vient avec un burn-out, c'est qu'on est fatigué puis qu'on n'a pas envie de rien faire. Fait que c'est pour ça qu'après, j'étais rendu 3 ou 4 épisodes de montage en retard, que j'ai toujours pas fait. C'est pas grave. Que j'ai toujours pas fait. Fait qu'on est comme... Les podcasts sortis sont encore de 3 ou 4 épisodes. Là, si on fait celui-là, je vais être encore plus en retard. Fait que j'avais pas envie. C'est pour ça qu'on faisait des lives, hein, parce que ça, c'était comme... comme ça, on est live, on peut jaser. Pour ceux qui nous écoutent live les jeudis soirs, ça a presque aucune différence. Il y a juste, pour ceux qui nous écoutaient en différé, que là, il y avait pas d'émission. Et puis... Là, en plus, depuis Noël, j'étais chez ma mère, où est-ce que j'ai été en vacances, essentiellement. Fait que ça ne me donnait pas envie de... Ben, j'étais pas équipé pour faire des... Même si on aurait voulu enregistrer, j'aurais pas pu. Fait que là, comme ça nous donne l'occasion de revenir ressourcé, plus en forme, plus sage, on a appris. Ah oui? Parler pour vous autres. Ouais, c'est ça, je parle pour toi. Ben, je sais pas, là. Je me dégrade à chaque seconde qui passe. J'ai l'impression que le monde entier est en burn-out en ce moment, là. Genre. Mais c'est vrai. Ouais, depuis janvier, là, j'ai plus envie de rien faire, j'ai plus envie de sortir. Je veux juste rester chez nous, puis réveillez-moi, mec, ça c'est fini. Ouais, non. Ben, de toute façon, tu peux pas aller nulle part. Non, c'est ça. J'ai été chanceux parce que justement, comme j'étais chez ma mère, puis il y avait mon frère puis ma soeur qui étaient là, t'sais, qui avaient pas recommencé l'école encore. Fait que tu sais, c'était chill. On était trois, ma mère était là. Des fois, le chum à ma mère venait. On a passé tout le temps à jouer à des jeux de société. Oh, D'ailleurs, je vais nice. pouvoir en parler à soir. On a écouté tous les Lord of the Ring version allongée et les Bilbo de Hobbit Yes. C'est laquelle ta version ligne longue. préférée? Oh, mais là. C'est pas obligé d'être ta vraie préférée, mais comme sûrement t'as retenu une ligne que t'étais C'est comme. un éléphant! Ok, Monsieur Frodon, mais. c'est un éléphant! Monsieur Frodon! On C'est les a tout en écoutés en français. anglais, mais Ok. celle-là, je la retiens parce que c'était dans le temps qu'on les écoutait en français. On a écouté aussi tous les Harry Potter, un par jour, dans l'ordre. Shit. Les deux premiers, je pense qu'on les a écoutés en français parce que, Ouf. comme. Ouais. Écoutez, c'est meilleur en français parce que c'est moins bon en français. Parce que, comme Harry Potter 1 puis 2, c'est pas très bon. Je suis pas sûre que je voudrais les écouter parce que, genre, mon dernier souvenir que je les ai écoutés quand ils sont sortis il est potable, pis ça peut juste aller downhill from there, Mais genre. oh, après, à partir du 3, c'est pas pire. Le 4 Ouais. et le 3, moi, je l'aime bien, vraiment bien, beaucoup. Il est pas parfait. Ça, tu sais, comme 1 puis 2, c'est des films pour enfants. Qu'est-ce qui se passe dans 3, trois? c'est encore un film pour enfants, mais il est comme intelligent, puis il y a de la belle cinématographie, Intelligent. du beau montage, de la belle musique intéressante là, qui te fait réfléchir. Ouais, le 3, c'est Azkaban. Puis Je me rappelle pas plus c'est quoi, genre, comme l'action. C'est loin, là. Les Oui, as-tu mais je les ai lus? lus quand ils sont sortis, j'avais 13 ans. Là. Ah, Oh. c'est ça, ça fait longtemps pour Okay. plusieurs d'entre nous, là. Ça Ben, commence à ouais, parce que vieillir, là. moi J'ai lu le j'avais. 1 à 11 ans, le 2 à 12 ans, le 3 à 13 T'avais le ans, le même 4 âge à que 14 Harry? ans. Ouais. Moi Oui. aussi, au début, j'avais le même âge que Harry, jusqu'à temps que J.K. Rowling apprenne plusieurs années à sortir ses livres. Ouais, c'est ça. Ouais, je Puis me après ça, j'ai souviens de switché ça. en anglais. Puis là, comme. C'est probablement que mes souvenirs sont pas super hot parce que c'était vraiment très très anglais langue seconde, là, puis j'avais le dictionnaire. Quand j'ai lu le 5, j'avais le dictionnaire à côté pour lire en même Ah, temps, moi là, fait que aussi. j'ai clairement crissement pas bien retenu ce qui s'est passé. Je les ai jamais relus, puis J.K. Rowling, elle peut bien se faire enculer, fait Ouf. Moi, tu vois, je les ai quand même relus. Tu sais, je pense qu'à chaque nouveau film qui sortait, j'allais relire comme Oh, quelques-uns. cool! Puis, fait que, tu sais, je les ai tous lus au moins 3 fois. Genre, ça, c'est au moins parce qu'il y en a que j'ai lus 5, 6 fois, là. Le 3, c'est lui qui voyage dans le temps, je pense. Ouais, à la Ouais. fin, ouais. Ils sont Avec pas le sword supposés de faire cogneur. ça, mais là, elle le fait Oh parce qu'elle a shit, une permission ouais. spéciale de prendre trop de cours. Tu Puis vois, ça, c'est comme. tellement une mécanique qui aurait pu briser tout l'univers à un paquet de Ouais. fois, là. Ouais, Si ça, tu c'est mets le genre pas ça d'affaire que dans un tu. univers. Non, Non. Mais c'est jamais. ça qu'on en parlait avec mon frère, parce que, tu sais, justement, là, d'avoir écouté tous les films d'un coup, puis là, mon frère, après ça, lui, il est allé prendre le livre. Puis de relire le livre. Fait que là, il nous en parlait. Puis tu sais, 1, 2, 3, c'est vraiment des livres pour enfants. C'est vraiment à partir du 4 que ça devient sérieux. Mais Tu il y a quelqu'un sais, qui meurt, genre, dans le 4, me semble. J'ai c'est juste. ça. C'est ça, fact, que là, c'est quand même. Ok, this is serious business, là. Tu sais, dans le 3, il y a des rumeurs que quelqu'un meurt, mais ça s'avère infondé. Dans le 2, des gens sont paralysés pendant toute l'année scolaire, fait qu'ils sont pas morts, mais Ah, shit, c'est vrai, ça. Ouais, c'est quand même evil, un peu. ça devient un peu dark, mais c'est quand même pas trop pire. Mais c'est le ton, tu sais, comme ah oh, ouais, il y a des gens qui sont kidnappés, les gens ils ont peur, mais ça reste comme, tu sais, ça reste un livre pour enfants. Mais il disait, je me rappelle quand j'avais cet âge-là, puis que je lisais, puis que justement j'avais le même âge qu'Harry Potter, on me disait comme c'est fait pour que tu vieillisses en même temps que les personnages, que tu vieillisses en même C'est temps que le ça. livre. Tu sais, fait que c'était comme fait pour que le ton vieillisse au fur et à Ouais, puis mesure. ça C'est paraît. juste que maintenant, ça doit être weird s'il y a des kids de 12 ans qui se tapent les 7, là. Ouais, Vont être un ben ils peu vont avoir de intenses. la misère, là, parce qu'à partir du 4, le 4, c'est une bonne grosse brique, le 5 Ouais. aussi. Puis, tu sais, 5, 6, 7, là, ça devient plus. Il y a comme des sous-histoires un peu politiques, où est-ce que, tu sais, on parle de le ministère, l'influence entre. Ben, tous les jeux les enjeux politiques, les enjeux sociaux qui embarquent, qui sont, je trouve, intéressants. T'sais, pis qui ont quand même réussi à conserver dans les films, même si ça reste des. T'sais, ils ont coupé beaucoup, Je suis un peu triste, moi, le front de libération des elfes dans les là. films. Ouais, je sais. Les elfes sont pas là, ben. Ouais, genre, moi, Mais. je croyais full dans les livres, là. Je trouvais ça super important, là. Puis dans les films, on dirait qu'elle fait juste vraiment gosser tout le monde. Puis. Il y en a pas. Il en Ouais, parle c'est pas ça, mais tout le monde pantoute. est comme ta gueule, Hermione, là. Genre. C'est comme. Ouais, ben non. Non? Hermione est gossante juste comme les 3, peut-être 4 années. Après ça, elle se calme, là. Ouais, je sais plus c'est quand le front de libération des elfes de maison, là. C'est dans le 4, je pense. Ouais, en tout cas. Ben, ça continue, là. C'est sûr que c'est après que Dobby. Ouais, c'est 3 ou 4, là, qu'elle commence. Ça se peut. En tout cas, hey, c'est loin dans ma tête tout ça. Ouf. Mais ouais, c'était quand même le fun à faire. Surtout, c'est l'avantage de se taper tous les Harry Potter dans l'ordre, c'est que ils deviennent meilleurs avec le temps. Ben, ça devient une plus grande production, de plus grande envergure, de plus grand budget, j'imagine, avec le temps, T'sais, là. le 7, là, c'est pas pire pantoute. Il y a des moments, là, il y a des scènes que t'es comme genre, oh wow, beau jeu de caméra, beau plan. Ok, ça. T'sais, j'ai des quelques scènes en mémoire où est-ce que genre, t'sais, ils ont été chercher comme de la texture dans l'image, puis c'est comme, puis le sonore est intéressant, puis c'est comme, aïe aïe, c'est pas pire pantoute cette affaire-là, même si la scène elle a un peu pas rapport dans ils ont pris un bout pas vraiment important du livre, puis là ils ont grossi ça un peu, là, puis je suis Ouais, mais ils comme, ont je fait deux comprends films, pourquoi. là. Je les ai pas vus les deux non plus, les films du 7, là. C'est ça, oh, ça c'est l'autre affaire que je me suis rendu compte, c'est que, tu sais, on écoutait le 7, deuxième partie, puis à un moment donné, Ah, c'est où j'ai après 20 minutes, j'ai fait, hey, je pense que je l'ai jamais vu ce film-là. vu. J'étais comme, je comprenais pas comment ça pouvait être arrivé, parce que comme, tu sais, Harry Potter, dans la famille, c'était assez religieux, là, comme on les a toutes. Fait que. Ben, ouais, dans ma famille aussi, on allait les voir, mais comme, justement, ça a pris tellement d'années que, à un moment donné, j'étais plus à la maison, là. Tu sais, quand le 6 puis le 7 puis l'autre 7 sont sortis, Ah, j'habitais plus ça à a la dû être maison. ça. Ouais, c'est ça, fait que Ça j'allais devait plus, tu être sais, on y ça. allait plus en famille, là. Ça devait être ça. Ça, puis le fait que, comme, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais il y avait comme des rumeurs que c'était pas bon, ou des gens m'avaient dit, ah, il est pas bon. Puis je peux comprendre, pour quelqu'un qui Ça a se peut, ouais. juste vu les films, puis qui a pas lu les livres, ça doit être vraiment tough à comprendre. Fait que quelqu'un peut dire, Ben. genre, ah, oh, je comprenais rien, s'il y a trop, le film, il s'en va n'importe où. Mais quand, tu sais, pour les avoir écoutés justement en fin de. Je sais que la première partie, c'est un peu rough, là. Comme t'écoutes ça, passablement plate, puis ça finit plutôt mal. Puis là, t'es comme, Oui. ouf. Ouais. Ah, ça donnait pas envie. Moi, Et c'est là, la première partie que j'ai pas vue. dans ce temps-là, t'allais au cinéma, là, puis là, c'était le nouveau, là, il venait de sortir, là, puis t'avais ça. Après, tu Ah, c'est savais un qu'il y peu avait une comme. autre partie, mais c'était comme, ouf. C'est un peu comme OK. Avengers Endgame, là. Ou Avengers, en tout cas, celui qui finit mal, là. Ouais, Ouais. un peu. Tu sors de là, puis t'es genre, oh, Mais, fuck. parce qu'il y a plusieurs façons qu'un film peut finir mal puis annoncer une suite. Et puis, si tu le fais comme l'Empire contre-attaque, ça peut marcher. Ou comme Captain America Civil War, ça peut marcher. Comme. Il y J'ai a pas une les références manière de vocales de ces deux-là, mais. rythmer ton film, puis d'arriver avec une fin un peu tragique où est-ce que peut-être le groupe se défait, ou même tu penses au premier Seigneur des Anneaux, là. Tu sais, comme t'avais l'impression que la communauté, ça allait durer jusqu'à la fin, puis comme après un film, ça split, puis Ouais, un c'est gars qui vrai. meurt, puis. Et c'est réussi pourtant. Il y a une façon, tu sais. Puis comme, OK, ils sont séparés, puis tout, puis il est arrivé des choses graves, mais comme, ça s'annonce comme s'ils sont capables de passer par-dessus. Puis t'as d'autres films, ouais, c'est que t'es comme, ouais, ben, je sais pas comment qu'ils vont faire, parce que. Tout ça finit sur un vrai temps mort. Là. C'est ouais. pas comme, OK, on est au fond du baril, on kick puis on remonte. Là. C'est comme, mm-hmm. ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça, me semble, l'avant-dernier Avengers. Là. Ça finit que la moitié du monde meurt, puis c'est ça. C'est vrai que, tu sais, d'être capable. Je sais que de... ça va pas rester de même, mais comme. Mais tu sais pas comment, ouais. C'est d'être capable de dire, bon, on est dans nos vacances de Noël, on est capable de. On sait que le film est fini, mais c'est pas grave parce que la suite, on va l'avoir demain. Fait que, tu sais, comme. Rendu au 5, là, à chaque. On finissait le film, puis là, on était comme genre. Ah, oh, faut attendre à demain, hein. Tu sais, c'était rendu assez bon pour que ça soit à ce niveau-là. C'est comme, ah, oh, faut attendre à demain pour avoir la suite. J'aimerais ça l'écouter tout de suite, mais OK, on a notre routine, là, c'est demain. On va se doser. Et puis, oh, c'est cool, ouais. ça de. Tu sais, par contre, on a. Ben, c'est comme, on a aussi écouté les films de Hobbit. Mm-hmm. Ouf! Oh, ça, c'était pas bon. Oh, c'est ça, pas c'était. Pareil, hein? J'avais juste vu le premier. C'est puis là, différent. J'ai écouté ça, puis j'ai fait « Oh là là! C'était pas bon, ce truc! » Je les ai pas trouvés mauvais. Mais c'est sûr que si tu les as écoutés tout de suite après « Seigneur des Anneaux », c'est parce que c'est pas le même ton, mais pas pantoute, là. Ouais, il y a ça. Ouais. Ben, j'ai écouté, comment qu'elle s'appelle, Lindsay Sterling, qui fait une analyse de genre pourquoi que ça a parti correct puis ça s'est dégradé en fou à cause d'interférences de studio puis tout ça. Ah ouais? Des affaires un peu dramatiques comme les acteurs qui jouaient les nains qui disent tu sais on a parti qu'on était une gang puis vers la fin on avait l'impression d'être les figurants les plus payés de l'histoire. Ouch. Ouais. Ouais, avec mon frère et ma sœur, on a aussi écouté plein de vidéos d'analyse de Lord of the Rings et du Hobbit. Ah ouais. Et de Harry Potter. C'était vraiment une thématique dans nos vacances. On était à fond là-dedans. Puis, le livre Le Hobbit, je l'ai lu, mais ça aussi, j'avais genre 14 ans. Là, fait que au moins, quand j'ai vu les films, je me rappelais pas du tout du contenu original. Fait que je pouvais pas être comme un peu blessé. Là. Disons qu'ils ont changé des affaires pour le mieux, mais ils ont étiré ça bien trop. Mais c'est fou, parce qu'ils ont fait 3 films, puis je veux dire... C'est un livre de genre 200 pages. Ouais. Ils devaient en faire juste 2, puis comme à quelques mois de la sortie du film, ils ont décidé d'en faire 3. Oh, c'est comme, comment Money. Tu fais pour étirer? Puis là, ils ont comme changé, tu sais. Puis là, je pense qu'on a écouté le vidéo dont tu parlais, Blob, la fille qui analyse. Puis elle explique elle est justement... en Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est ça. Et oui. Elle aussi, pour rester dans cette thématique, elle a fait une vidéo en 2 parties, puis après ça, elle a rajouté une 3e. Yes, c'était drôle. Mais, tu sais, quand elle explique où est-ce que le film aurait dû se terminer, c'est comme tout s'explique, là. Ah ouais? Comme, le premier film aurait dû se terminer genre à moitié du deuxième, puis là comme tu vois les temps, puis là tu vois qu'ils ont essayé de rajouter un climax à la fin du premier, puis c'est juste n'importe quoi. Et c'est pas un jeu de mots avec nain que je viens de faire. Oh, non, ben non. Explique-tu pourquoi les nains ont pas l'air de des nains? Parce que ça gosse. Les ont tous. Il y en a juste un ou deux qui ont pas l'air de nains, parce que là, ils ont décidé de rajouter ça, de rajouter un triangle amoureux, d'avoir des vedettes. Là, c'est comme, ah, si Bilbo est plus comme le héros, ça nous prend un autre héros pour mm-hmm. mettre notre poster pour vendre le film. Fait que, ouais, le... Il y a quelqu'un qui mentionnait l'aragornisation de Thorin Oakenshield. Genre, ouais. Mais c'était vraiment ça, les gros producers, ils voulaient leur argent, là. Ils étaient comme genre, hey, faut que le monde puisse simper pour les nains, hein. C'est, faut pis, que c'est hot. Je sais pas. Les nains étaient déjà parfaits au début quand ils chantent leur tune. Ils étaient parfaits, les nains. Ils avaient besoin de rien plus. Effectivement, c'est un des meilleurs bouts de. Ah, cette tune-là est vraiment bonne, là. Genre, chapeau à la personne qui l'a arrangé, pis tout, là. Il y a un paquet de bouts du livre que. Ben, ça, c'est plus dans Lord of the Rings, là, mais comme. des bouts de livres qui étaient ridicules et drôles, puis que c'était genre, c'est pas adaptable en cinéma, ça passera pas pour que des adultes aillent écouter ça. Puis ils ont réussi, puis justement, la chanson des nains, c'est un bon exemple. Le bout que Gandalf il dit You shall not pass, c'est un bon exemple. Ou est-ce que genre, c'est ridicule comme scène quand tu le lis, puis là, l'acteur est juste tellement bon, puis il a réussi à faire ça correct. Fait que. C'est pas comme si c'est juste de la scrap, le Hobbit. C'est juste que globalement, ça fait pas des si bons films. Mais comme ça, c'est cool. Je pense que le deuxième, c'était pas mal le meilleur. Le troisième, ce que j'ai retenu, c'est que c'est une guerre qui dure tout le film. C'est comme une grosse bataille interminable. Puis genre, tu sais, comme on pleurait, moi puis mon frère, là, on était comme genre, qu'est-ce que c'est ça? Aïe, aïe, c'est quoi ça? On était comme pute dedans pantoute. Ça m'a tellement pas tant marqué que je m'en rappelle pas tant qu'est-ce qui se passe ça. Dans le 2 Mon puis le frère 3, aussi, puis je il les ai disait vus au genre, moi... cinéma, là. Ça fait longtemps, là, c'était pas marquant. Là. Mon Je sais frère que le disait la triangle même affaire. amoureux, c'était hyper forced pis un peu Ah, trash, c'était là. pas bon, ça, C'est oui. vraiment mauvais, là. Le Kate triangle Beckinsale est amoureux, tellement meilleure que ça, là. C'est ça, Kate Beckinsale, en tout cas. Je ouais. l'aime Ouais. beaucoup pis j'étais un peu triste de la voir là-dedans. Je connais quelque chose de drôle à propos des films du Hobbit. Avez-vous remarqué que le gars qui joue Bilbo, c'est lui qui jouait Watson dans la série Sherlock? Ben, ça adonne que Benedict Cumberbatch, qui jouait Sherlock dans ça, c'est lui qui joue Smaug, qui a fait le mocap. Oui. Ça, c'est Ben, il fait la effectivement. voix aussi, là. Ça, c'est... Oui, ben oui, c'est ça, Il il a fait fait surtout la le voix, mais mocap, là, mais oui. Non, mais moi, au début, je pensais qu'il avait juste fait la voix, mais non, il s'est déguisé en mocap avec les boboules de ping-pong à quatre pattes pour jouer ses lignes. C'est intense, ça. C'est J'ai vu des malade. extraits, puis c'est assez cool, effectivement. Puis c'est comme effectivement le highlight du deuxième film. Puis là, moi j'avais pas, moi là, quand, tu sais, je savais plus comment, qu'est-ce qui allait se passer quand on était rendu à écouter le troisième film. Puis là, quand j'ai vu que le dragon il meurt comme dans les 10 premières minutes, j'étais comme, mais là, Qu'est-ce qu'ils qu'est-ce que c'est ça? Mais moi, j'étais comme, ça allait être le méchant. Mais non! Puis là, il y a une guerre impossible qui dure super longtemps, puis qu'il paraît dans le livre, c'est genre comme 20 pages gros max. Mais ça dure un film au complet. C'est en même temps pas que c'était bon. une page ou c'était comme une ligne, comme il suggérait une bataille. Genre, puis Mais comme ton lequel Bilbo, il n'aimait pas était... ça, les batailles? Tu sais, C'est Bilbo, pas il ça était... son. Il est assommé, puis il est inconscient pendant la majeure partie de la bataille. Mais là, il nous montre tout, puis c'est quoi ce film? Ce que En je tout me cas. rappelle, c'est les raideurs de sangliers. Les nains qui raident des sangliers qui descendent une montagne. Ça, c'était hot. C'est la seule affaire que je me rappelle. Ouais, il y avait ça. J'étais comme fuck yeah! C'est tout. Mais tous les conflits du dernier film sont pas complètement épais, là, mais. C'est ça, ça fait pas un bon tout, là. C'est comme. Ouais. Je vais mettre du bacon là, sur ce May West, là. Du sirop d'érable, là. Ouais. C'est un bon Fait exemple parce que... que ça, c'est le genre de trope qui, genre, qui a été populaire une fois, puis là, le monde sont get over it en esti de Ouais, mettre c'est du ça. bacon sur des cossins sucrés. Tu peux pas juste mélanger des formules supposément gagnantes jusqu'à temps que ça marche, c'est vrai. Mais tu vois, j'étais quand même content de l'avoir écouté et surtout d'avoir écouté les analyses de la fille qui parlait du truc parce que comme c'était éducatif de pouvoir voir comme ah c'est quoi un bon scénario, t'sais, qu'elle explique genre ici ça marche pas, la raison pourquoi qu'on déconnecte c'est parce qu'il se passe telle affaire, puis là ben comme on est plus sûr de qui est le personnage, le fil conducteur est s'éparpille, puis c'est vraiment, t'sais, j'étais comme ah c'était formateur pour moi qui, t'sais, j'ai déjà eu des cours de scénarisation mais là ça commence à faire longtemps puis j'avais oublié ben des affaires. Puis là, d'avoir ça, c'était comme genre, ah, c'était, ouais, formateur. Puis C'est le fun, après la ça, théorie cinématographique. C'est intéressant. d'écouter les Harry Potter, surtout les premiers, puis là, d'être capable d'expliquer pourquoi que les deux premiers sont pas très bons. parce qu'il s'éparpille dans tous les sens, là. C'est comme... Ouais. Fait que... On peut-tu parler de autre chose que de moi qui ai écouté des films? On pourrait parler des films que moi j'ai écoutés. Ah, on aussi. A-tu joué à des jeux durant les vacances? T'as-tu écouté des films, Blob? Tu peux y aller. J'ai écouté Back to the Future. Je pensais pas que ça serait bon comme ça. Ouais, il est encore bon, le premier. Les trois. J'ai aimé les trois. Ouais. Je pensais que ça se dégraderait, mais ben non, c'était pas des films parfaits, là. C'était juste meilleur que je pensais. Mais comme je suis content de les avoir vus, c'était cool. Nice. Ouais. J'ai dévoré la série Shadow and Bone sur Netflix, qui est basée sur des romans aussi. C'est une série Netflix en 8 épisodes, mais ils vont faire d'autres saisons, là, puisqu'il y a eu d'autres romans aussi, là, en tout cas. Mais c'est ça aussi, regarder ça d'un point de vue critique, de genre de direction puis de cinématographie, c'était quand même intéressant. Parce que les séries Netflix, par les studios Netflix, ont vraiment tendance à être très en dents de scie, je trouve, sur la qualité, puis sur l'écriture, puis sur la direction, puis... Qu'est-ce que tu veux dire par « en dents de scie »? Il y a des affaires vraiment hautes, puis il y a des affaires vraiment poches. Genre dans la même épisode? Genre dans le même épisode, ouais, c'est ça. OK. Ou comme des fois, la qualité, comme il va y avoir un morceau de costume dont la qualité est incroyable... Pis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui défonce, genre, tu sais, quand t'es sur comme un bateau, là, il y a comme un rebord de bateau, là. Le gars, il défonce le rebord du bateau, pis ça a l'air d'être du carton qu'il vient de défoncer, là. C'est sad. Le meanwhile, genre, les costumes sont écœurants, je suis comme... Ah! Ah! Il y avait des scènes super intéressantes, pis là, ils sont comme... ça prendrait un subplot romantique, fait qu'on va le plugger en dessous de ça, pis je suis comme... Ah! Mais globalement, c'était cool. Si vous aimez le fantasy, genre... espèce de monde fantastique à la technologie rendue au niveau de la Première Guerre mondiale, mais also de la magie, mettons. Juste comme ça, ça se peut-tu que pendant qu'on était en pause, il y a eu toute la série Arcane qui est sortie puis qui a joué aussi? Ouais, mais je l'ai pas écouté au complet encore, j'ai juste vu un épisode. Ok, fait qu'Anne-Marie, c'est quoi? Narf, est-ce que tu sais c'est quoi? Je pense pas que Narf, il y a Netflix. C'est-tu l'affaire de League of Legends? Exactement. J'ai vu passer ça sur Mastodon, des gens qui disaient que c'était vraiment bon, mais je connais rien de League of Legends. Fait t'as pas besoin. Non, puis de toute façon, quand tu joues à League of Legends, ça te raconte comme... rien. Non, c'est ça. C'est du lore. Tu peux lire les bios des personnages, mais... C'est vraiment un stand-alone, là. C'est pas fait pour les fans, genre, juste pour eux autres, là. C'est fait pour tout le monde. C'était vraiment pas pire. Il me semble que c'est 9 épisodes. Je suis pas sûr que j'étais convaincu comme des personnages puis du déroulement. Comme j'ai eu l'impression, à un moment donné, qu'il y avait 6 épisodes de trop au début. Mais mettons 5... Mettons que les 6 épisodes du début auraient pu être juste un. Sauf que en écoutant le reste, la fin, comme je concevais que s'il y avait eu moins d'épisodes, j'aurais été moins attaché. Des fois, t'as besoin de temps. Tu vois, c'est ça que... Le début était slow, mais comme si c'est pour faire que la fin fonctionne. Mais je peux pas savoir, comme... C'est de quoi que je vois souvent, justement, comme les séries Netflix, on dirait qu'ils se limitent tout le temps à faire 8 épisodes. Puis mettons Shadow and Bone, je pense que c'est une série de livres complètes qu'ils ont fait en 8 épisodes. Ouais, des fois, j'ai l'impression que comme ça serait mieux de s'étirer pour que tu puisses t'attacher à un personnage, pour que ça te fasse de quoi, mais qu'il y arrive quelque chose. Parce que des fois, ouais, comme... Mais en fait, c'est peut-être aussi parce que j'ai binge la série en une journée, là. Mais... ça m'intrigue quand même, parce que comme... Tu sais, d'habitude, un film, on est capable de s'attacher à un personnage pour que quand il arrive de quoi au milieu du film, on... Mais c'est parce qu'il y a bien moins de storyline. Dans une série, souvent, il y a un paquet de storyline ensemble. Fait que c'est comme s'il y avait 4 films ensemble, tu sais. Ouais, OK. Mais oui, moi, je suis pour, genre, tu sais, étirer la sauce pour qu'on puisse, comme, s'attacher aux gens pour qu'ensuite, les moments dramatiques soient plus dramatiques ou fassent plus de sens. Des fois aussi, je trouve, comme... Si t'as pas le temps de découvrir c'est qui les personnages, ils prennent des décisions pis t'es comme « Hein? c'est une décision de con, pourquoi t'as fait ça? Mais en ayant appris à connaître le personnage, j'aurais peut-être mieux compris pourquoi, genre, son schéma de décision, c'était ça, tu sais. Pis là, la série de League of Legends, est-ce qu'elle fait ça aussi? Je sais pas. Ouais. Ou mais c'est t'as-tu bon? Trouvé que ça valait la peine, Blob? Ouais, nécessairement. L'animation est comme j'ai jamais vu avant. Fait que juste pour ça, c'est déjà cool. Je veux dire que la musique est bonne, mais je l'ai pas tellement aimée. Comme la musique se trouve vraiment super cool. Comme des fois, elle est un petit peu, mais souvent, je trouve que c'est drôle parce que j'arrive pas à engager avec ce mood-là, mais c'est comme probablement moi le problème, là. Mais j'ai l'impression que c'est de même qu'on se sentait pendant les Video Game Awards. Puis c'était toute la musique de Arcane. J'ai appris ça comme récemment, genre le bout avec Sting, là, c'est la musique de Arcane. Je savais pas. Fait que pour moi, c'est pour ça que pendant les Game Awards, on était toutes comme waouh, ça c'est de la musique qui a vraiment l'air de se trouver très cool, puis j'ai aucune idée c'est quoi. C'est drôle, c'est exactement le mood que tu viens de décrire. Je pense que il faut, quand tu fais de la musique, quand tu fais de la culture, de la scène ou n'importe quoi d'artistique, faut que tu démontres une certaine assurance dans ce que tu fais. C'est juste que ça vient avec un risque. Puis c'est celui de si la personne engage pas avec le mood que t'es en train de pousser, tu vas avoir l'air qui est éteint. Fait que, comme faut que tu réussisses à le faire en étant conscient qu'il y a une partie de ce que tu fais qui est éteinte. Puis si t'essaies de le cacher ou de l'ignorer, peut-être là ça marche pas. À moins que ton public engageait déjà avec le mood. Fait que je pense que c'est pour ça que plein de gens aiment pas, mettons, le rap ou le métal. Parce que, genre, tu peux pas engager avec le mood, des fois. Il y en a qui ont pas grandi avec cette possibilité-là de le comprendre puis d'embarquer dedans. Mm-hmm. Fait que la musique d'Arcane me faisait un peu ça. Mais comme je me considère comme quelqu'un d'ouvert au sens où j'ai l'impression que je vais manquer quelque chose si j'aime pas tout. Fait que les affaires que j'aime pas, j'essaie de les aimer. Comme au moins un petit peu. Comme je me force comme à trouver quelque chose. Comme je veux aimer ça un peu. Puis bah, ça a marché en partie. Mais la musique se trouve vraiment super cool. Wow. OK. Des fois ça marche. Mais ça, c'est très... Ça fait avec les visuels, pis tout ça. Je suis pas vraiment surprise, parce que League of Legends, depuis le début, qui font comme des season reveals, des character reveals, ils ont leur propre band chez Riot, où ils ont des artistes invités, tu sais, ils font tout le temps affaire avec Imagine Dragons, tu sais, c'est toujours super important pour eux autres d'avoir des bonnes tunes, pis ça les aide vraiment à rendre leur publicité virale. Parce que, mettons, après ça, les gens veulent écouter la toune ou le vidéoclip de la toune est basically une pub pour LOL. Comme, fait que ça contribue vraiment à ce que ça se fasse partager puis que ça se fasse écouter puis tout. Fait que, ouais. Fait que je suis pas surprise. Enfin, ils ont toujours misé sur leur musique pour se faire reconnaître. Là. Ça a du bon sens. En tout cas, je veux pas critiquer la série nécessairement parce que j'ai l'impression de pas avoir compris une partie, là. Ça m'a pris longtemps avant d'associer certains concepts, là. Il y a une affaire, genre, que les gens prennent, là, qui est comme une drogue qui te rend super fort, puis comme, je pense que ça m'a pris 3-4 épisodes avant de comprendre comment ça s'appelait, là. Je pense que ça s'appelle du Shimmer. Okay. Comme, les pauvres, ils ont ça, les riches, ils en ont pas, eux autres, ils utilisent d'autres choses. Ils ont comme de la technologie puis de la classe. C'est vrai, ils ont comme des artificiers puis tout, là, ouais. Des alchimistes ou whatever. Ouais. Mais ils sont comme, on peut pas juste... quand il y a de la mafia, on peut pas juste rentrer dans la section basse de la ville parce que les autres, ils ont genre le shimmer puis ils peuvent nous défoncer, là, fait que c'est dangereux. Comme cette situation-là était tellement bien mise en place, ou en tout cas j'ai rien compris, que ça m'a pris plusieurs épisodes avant comme de voir où ça s'en allait vraiment, tout ça. Oh non. C'est peut-être ma faute. Fait que je veux pas critiquer. Ouais, c'est ça. Comme Gab dit, on va l'écouter puis on t'en reviendra avec ça. Ouais, je pense qu'on est mieux que segway vers d'autres choses, mais je voulais mentionner que je l'avais écouté. Fait que des fois, si les gens veulent me relancer là-dessus, là. comme me dire, ah, oh, réécoute tel épisode, le meilleur bout, il est là. Ouais, je suis ouvert. Il y avait des affaires super nice quand même dans cette série-là. Moi, je suis surtout curieux parce que, comme, pour moi qui embarque vraiment pas dans les affaires de super-héros, là, pis les trucs blockbuster en général. Mais il y a quand même des gens qui me disent genre, ah ouais, c'est bon. Je suis comme, ouais, mais j'aimerais probablement pas ça. Tu es comme, ouais, mais non, je pense que tu vas quand même aimer ça. J'appellerais pas ça un blockbuster. Tu parles-tu d'Arcane aussi? Ouais, ouais. Ben, c'est de ça qu'on parle. Ben, comme. Je sais pas, on peut appeler ça un blockbuster. C'est colissement plus indie qu'un blockbuster hollywoodien. Ouais, okay, peut-être pas blockbuster, ouais. Mais comme la pop culture, ou dans ce cas-ci, c'est comme un truc promotionnel basé sur un jeu vidéo. Ben, comme... j'ai l'impression qu'ils ont essayé de donner pas mal plus une âme qu'on a fait une série promotionnelle, là. Ah, ok. Ben, tu vois, c'est ça. C'est pour ça que les gens l'apprécient. C'est un peu ça que j'entends. Ouais, ouais, je pense que l'écriture puis le scénario passent en premier. C'est pas juste un canal vers des scènes d'action. Puis peut-être que ça m'a dérangé aussi. Peut-être que j'avais pas assez de scènes d'action pour tenir mon intérêt limité. Peut-être que je m'attendais à en avoir plus. Mais il crispe pas en pleine face tout le temps, genre, tel que vu dans League of Legends de Summoner's Rift. Genre, tu sais, y a pas ça, là. Non, effectivement, il y a rien de ça. Je sais pas comment le... Il y a plein de monde qui l'écoute, qui connaissent pas en tout League of Legends, puis qui ont jamais engagé avec ça, parce que le but, c'est vraiment de faire un produit qui se tient tout seul. Là. Ouais, tu peux l'écouter tout seul, puis pas savoir que ça existait, League of Legends, même après l'avoir écouté. Comme à part que c'est écrit en petit, là, mettons que tu l'aurais pas aperçu. Là. T'aurais pu faire comme moi, j'ai écouté une nouvelle série, là, ça s'appelle Arcane, ça a pas rapport, ça sort de rien. Parce que c'est ça, League of Legends, il y a pas de lore, là. C'est un arène multijoueur, là. Comme... Ouais, non, ça, je sais. Il y a des bonhommes cool dedans, là. Fait que... c'est juste que j'ai l'impression que le lore, c'est quasiment bâti. En fait, il y a beaucoup de membres de la communauté, des joueurs, qui ont commencé à faire du cosplay, puis qui ont commencé à faire des fanfics, puis je pense que le lore s'est bâti avec la communauté en même temps. Puis j'avais déjà regardé à PAX, ils faisaient genre des espèces de gros boots, puis des grosses places avec les avec leur community creator puis leur content creator, puis ouais, il y a beaucoup de stock qui a juste été amené par du monde qui aimait vraiment beaucoup les personnages puis qui ont commencé à broder tout le tour. Puis là, ça fait des années de ça, puis là maintenant il y a des jeux, il y a d'autres jeux spin-off qui vont explorer justement l'univers, puis là il y a la série, puis etc. Ça fait on un bout croirait... de jeu de cartes aussi là. Mais ça s'est bâti organiquement autour d'un jeu qui, au début, c'était pas mal plus genre « Ah, ben, on va mettre quelqu'un qui a une épée, puis quelqu'un qui a un marteau, puis quelqu'un qui tire du gun. » On croirait entendre parler de Blazeball. Ouais, non, là. Non, puis comme Gab, il dit « Non, je considérais pas ça indie non plus, mais je considère pas crissement pas ça genre Marvel. » Comme Marvel, Avengers pis tout. Parce que ça, c'est rendu... Ça, c'est du blockbuster, mais aussi, c'est comme... C'est des formules de films qui sont étudiées, genre. Pis qui sont toutes pareilles. C'est des moules, genre, les blockbusters de super-héros, là. Fait que c'est pour ça, je suis comme... C'est pas pareil non plus, là. J'aime comment tu le dis, parce que depuis tantôt, j'essaye de trouver la manière d'expliquer qu'est-ce que je veux dire quand je dis que, genre, j'aime pas ça, les... Tu sais, j'ai dit les films de super-héros, mais comme j'aime pas les gros films d'action qui sortent au cinéma ça, non plus. Ça j'aime gosse pas... parce que tu vois le moule. C'est peut-être ça. Mais c'est ça. On les c'est a trop loin. Il y a une joke. Tu sais que la joke... Laïque. Ouais, c'est ça. Pour vrai, les films de Marvel, là, c'est écœurant. Là. Tu vas avoir un moment triste, puis après ça, il faut que quelqu'un craque une joke. Parce qu'il y a eu un moment triste, puis parce que la formule dit que là, il faut que genre tu suscites une autre émotion, puis tu coupes la tristesse pour pas que la personne ben oui, genre prenne là... le temps de scaven là-dedans. Puis c'est ça, puis après ça, tu continues, puis là, ça prend une scène d'action. Là, c'est une scène d'action, là, ça prend quelque chose qui vient tirer un petit peu ton cœur après, là, parce que sinon, c'est juste trop pouf pouf bam bam, puis y a pas d'émotion. Puis là, c'est trop d'émotion, puis là, faut que quelqu'un claque une joke, puis genre. C'est brillant, parce que je sais pas vous autres, moi, j'aime pas ça être triste. C'est brillant, parce que c'est ça l'affaire, c'est, s'ils font ça, c'est que ça fonctionne, là. Tout ça, c'est étudié, puis c'est les réactions des gens face au film sont étudiées, puis c'est étudié pour avoir le plus grand succès, puis pour te faire sentir le plus mieux, puis content, puis entertainé, tu sais. Fait que c'est pas que ça fonctionne pas, hein. C'est comme la musique pop. Oui. C'est juste que c'est vide. Ou tout ce qui joue à radio. C'est ça. Presque. C'est étudié pour te rendre heureux, c'est juste vide. C'est ça. Ça suit la formule, c'est dans le moule. Ouais, c'est une belle manière de le dire. Mais moi, je la crois, Katy Perry, quand elle parle de surconsommation. Ah, dans quoi qu'elle parle de surconsommation? Comment ça s'appelle déjà? Chain to the Rhythm, je pense. Oh shit, je connais pas. Elle parle d'être pognée dans le moule de la surconsommation automatique, puis d'avoir du fun là-dedans, je pense. Cool. Ouais. Ok, Katy Perry, elle m'a enseigné que les filles de la Californie ont bien plus de fun, là, mais sinon. C'est probablement comme 10 ans plus vieux que la toune que tu viens de nommer que je connais pas, oui. Là. Ouais. mais c'est ouais. C'est correct d'embrasser une fille puis d'avoir aimé ça. Oui. Mais Gab, t'as raison, par exemple, vu que c'est des héros dans le jeu, c'est un peu mythologique, ouais, comme les super-héros, là. Parce que c'est comme le backstory derrière tel personnage que tu connaissais pas, mais il avait l'air cool, puis il pète des gueules dans un jeu, genre, fait, ouais. I get it. Juste pour donner le contre-opposé de tout ce qu'on vient de discuter, tant qu'à pas parler de jeux vidéo pantoute dans ce podcast-là... Ben, c'est comme un jeu vidéo. À chaque soir, avant d'écouter un Harry Potter, le deal, c'était que... Parce que ma mère, il y avait un festival de courts-métrages qui s'appelait Plein Écran, qui, j'imagine, d'habitude, est en salle, mais là, il y a une pandémie. Fait que là, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il donnait quatre courts-métrages, à peu près trois ou quatre courts-métrages à chaque jour. Ils sont là pendant 24 heures, fait qu'il faut que tu les écoutes. Puis là, le lendemain, il y en a un autre batch. Puis là, ça durait pendant, je sais pas, 10 jours, 15 jours. Fait que là, ma mère, elle voulait qu'on écoute ça. Elle voulait écouter ça. Fait que là, le deal, c'était, on écoute les courts-métrages, on absorbe la culture et l'art, et ensuite, on a le droit d'écouter Harry Potter. C'est on a le droit d'écouter de quoi d'absolument uninspired, puis formulaïque. Ben, Harry Potter, les premiers étaient pas très bons, mais à la fin, c'était correct. Mais quand même, il y a quand même une formule. Même si c'est des films qui, t'sais, ou des romans, le roman, le septième, comme Blob il disait, tout le bout qu'ils font du camping, là, c'est long, puis il se passe rien, puis c'est ça le but. C'est ça que l'auteur avait. Oh, ouais, c'est... Le film, c'est long, puis il se passe rien, puis t'es comme genre, aïe, moi j'écoutais ça, puis j'étais comme, aïe, ils ont osé mettre ça dans un film de grosse envergure. Le moment fort de ce film-là, c'est Ron qui réalise que non, c'est de la merde d'être comme le héros qui vit toute l'espèce de scrap. Puis des fois, ça a l'air le fun, mais ça l'est jamais. Mais tu sais, tu dis, ils ont osé mettre ça dans un film, mais c'est parce que le matériel de base est rendu tellement populaire et iconique que tu peux pas non plus déroger trop. Il aurait pu comme vraiment réduire cette scène-là. Tu sais, comme il y a des affaires dans les livres qui ont coupé complètement. Tu sais, il aurait pu couper ça, mais ça fait. Pour moi, c'est le bout que j'étais comme. C'est. Je peux pas dire que c'est le bout que j'aimais, parce que c'est vrai que c'est dur à lire. Mais c'était le bout que j'étais comme. Ça fonctionne, et ça fait que la deuxième moitié du livre est d'autant plus forte que. À cause de ce bout-là qu'on a vu. C'est long! Puis tu sais, comme, c'est des personnages qui attendent, ils attendent, c'est long. Ils se préparent, c'est long. Ils anticipent, c'est long. Fait que, ouais. Puis le fait que, je trouvais ça audacieux d'avoir osé garder ça dans les films. Fait que ça, c'était Harry Potter. Mais là, je parlais de le festival de films de court-métrage. Mm-hmm. Et d'or. Et, tu sais, les courts-métrages, c'est pas tout le temps bon, tu sais. Les films d'or, c'est pas tout le temps bon. Il y en a qui font beaucoup résonner. Les autres sont pas là pour être bons. Tu sais, les Marvel et les Harry Potter sont là pour être bons puis que le monde les trouve bons. Quand tu fais de l'or, là, tu fais pas ça pour être bon puis recevoir les applaudissements de ton public. Tu fais de l'or pour dire un message, Narf. Puis. Oui. Puis. T'es plus bien crappé! Ben oui, c'est vrai! Une chance que t'as éduqué Narf, parce que là. Non, c'est ça! Il savait pas! Je veux dire. Non, mais c'est parce que. Non, mais c'est parce qu'on. Tu sais, des fois, on écoutait, puis là, il y en avait que c'était genre, OK, hey, ça, c'est un beau film d'art. Puis là, on se regardait tous les quatre, puis là, on était comme genre, ouais, il était pas très bon, celui-là, hein? Ouais, non. Mais maudit que je suis cultivé. Par contre, là où c'était plus intéressant, c'était que des fois, il y en avait que c'était genre, tu sais, ma mère, tu sais, elle me genre, hey, c'est long, puis plate. Puis moi, j'étais comme, de quoi tu parles? C'est super bon. Ah! Ouais, comme, ça venait pas chercher la même chose. Il y en a que j'ai full aimé, que ma mère a trouvé ça vraiment plate. Et vice-versa. Il y en a que je trouvais comme OK. Puis là, ma mère était comme genre, ah non, mais c'était bon ça. Puis je suis comme OK, t'as le droit. Fait que c'était t'as-tu des recommandations ou des coups de cœur? Ben, je pourrais, c'est juste que là, le festival, il est fini, fait qu'il n'y a plus vraiment possibilité de les écouter. Ah, shit. Puis l'affaire, c'est que j'ai pas sûr, il faudrait que j'aille sur le site pour retrouver les noms. Ouais, je mais pas les je peux essayer de chercher. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que la dernière journée, ils ont ramené les meilleurs de tout le festival, puis on les avait tous vus sauf un, fait qu'on a... Puis tu sais, on était d'accord, on était comme... Tu sais, c'est ceux qui ont gagné des votes, ou des, okay. des... Ben, c'est un festival, il y avait comme une espèce de prix ou de choses à remettre. Fait que tu sais, t'avais le film pour la meilleure réalisation, la meilleure direction photo. Fait qu'il y avait comme... 5 ou 6 prix. Fait que là, ils ont tous ramené ces films-là la dernière journée. Ça nous a permis d'en écouter un qu'on avait manqué. Puis, puis c'était... Fait que... Puis, tu sais, j'étais d'accord. C'était comme, ah ouais, c'est vrai, lui, il était vraiment bon. Il était tout intéressant pour ça. Oh, c'est cool, ça. Fait que... Si ça vous intéresse, je dirais aller sur le site du festival Plein Écran, checker ceux qui ont gagné les prix, puis écouter ceux-là. Ils sont vraiment de tous les genres. Il y en a qui sont très documentaires, observateurs, limite voyeurs. C'est comme la caméra suit une fille, puis comme aucun jugement, ça nous montre son quotidien. Pis genre, moi, j'ai beaucoup aimé, pis le chum à ma mère était comme genre, je comprends pas, voyons donc, pourquoi ils ont filmé ça? Pis j'étais comme, mais c'est son quotidien brut. T'as le droit de pas être d'accord avec son quotidien pis qu'est-ce qu'elle vit, mais c'est ça qu'elle vit, tu peux pas juger. Fait que ça, je l'avais bien aimé. Il y avait un qui était très fiction. Là, on est dans la fiction complètement historique. Tu sais, c'était, ça se passait dans les années 80-90, avec tous les vieux décors, vieilles autos, les costumes, les lunettes, le souci du détail. T'sais. Moi, je reconnaissais des affaires de ma jeunesse. Ma mère était comme genre, aïe, ils l'ont tellement. L'accent, la manière que les personnages parlent, c'était vraiment authentique du Québec, banlieusard des années 80. Puis là, c'est l'histoire d'un papa qui... Il a divorcé, ça fait pas longtemps, puis là, c'est Noël, puis là, il va chercher ses enfants dans la famille à sa femme, puis là, la famille, les oncles, les tantes, oh, viens, rentre! Puis il est comme genre, non, ça me tente pas. Mais là, il est comme pas le choix, en tout cas. Fait que c'était vraiment, moi, je l'ai bien aimé, ça, là aussi. Il y en avait un qui parlait de la, pas la contraception, la, enlever le bébé, l'avortement. L'avortement. C'est comme la contraception sur le tard. Ça, c'était comme science-fiction. Dans un pays où est-ce que... Dans un Québec, dans un Montréal, où est-ce que la contraception serait rendue illégale. Et, ben, comme dans certains États américains en ce moment, dans un climat où les gens sont encouragés à dénoncer les femmes qui font ça, ben là, tu suis une femme, puis la médecin qui fait la chirurgie, puis comment... Ils font ça. Puis, t'sais, ils font ça dans un camion qui transporte des pièces de viande sur la route en roulant. Parce que c'est la seule manière qu'ils peuvent être 100% cachés. Dans le fond, c'est une biopic du Texas. Ouais, mais à part que ça se passe à Montréal, là, mais ouais. C'est ça le côté fiction. Ben oui, non, je sais bien. Ah, so sad. Fait que lui aussi, il était... bizarre, mais vraiment intéressant. Lui, je l'ai réécouté comme deux fois, trois fois. Ouais, fait que ça c'était le moment culture de la de nos vacances de Noël avant Harry Potter. Gab, il serait fier de moi. Là. Ah, il l'est déjà. On le voit dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il dit? Beach episode. Je pense que c'est des vieux messages. Ouais, ça faisait référence à d'autres choses. Mais vous parlez de réalité puis fiction. J'ai vu en fin de semaine un film quand même cute qui s'appelle Encanto de Disney. Tout le monde en parle, je l'ai pas vu, puis c'est Disney, fait que je sais pas quand est-ce que je vais le voir, mais ouais, tout le monde en parle. C'est un film avec pas de méchants, genre ça parle d'une famille magique, comme que peut-être ils vont perdre leur pouvoir, genre. Oh non. C'est très c'est une famille latino-américaine, c'est ça? Ou juste latine? Ouais. Mais juste latine. Okay. C'est difficile à placer, là. Tu peux imaginer le Brésil, mais je me trompe probablement. OK. Comme je sais pas son où. Ils sont un peu coupés de la civilisation, là. Comme ils se sont sauvés de la guerre, puis ils ont été chanceux, ils ont eu comme un souhait, puis là, ils ont pu faire un petit village où est-ce qu'ils ont la paix. Comme peut-être que ça va prendre fin, genre. Ça parle de ça. Puis c'est super positif. Oh. Puis en même temps, des fois un peu prévisible, puis c'est pas grave, genre. Mais surtout, c'est que j'ai vu plus tôt dans la semaine quelqu'un qui disait que dans ce film-là, il y a de la magie puis des affaires, mais surtout une abuela qui avoue qu'elle a eu tort, qui cimente le fait que c'est un film de fiction. Hmm. Voilà. OK, je viens de comprendre. Excusez, ça m'a pris du temps, moi aussi. Comme la magie pis tout ça, comme mm-hmm. À la limite, ça se peut, mais là, il y a une grand-mère qui admet qu'elle a eu tort. Yep. C'est de la fiction. Les grand-mères n'admettent jamais. C'est ça. Je sais que les enfants ont l'air de bien réagir. Alors, en tout cas, comme les gens de mon entourage qui ont des enfants ont l'air de triper pas mal. Il y a une sœur là-dedans qui est vraiment musclée, puis ça devient pratiquement un trope là, à cette heure, là, comme faire qu'il y a une fille qui est musclée à la place, fait que ça détonne un peu. Mais apparemment, les gens qui faisaient le film, ils ont dû se battre contre les execs de Disney pour mettre ça dans le film. Mm-hmm. Comme une fille avec un body type non traditionnel, là. Pas comme Elsa Piana, mettons, là. Ouais. Apparemment, il y a plein de petites filles qui l'aiment beaucoup. Ah, oh, c'est cool. Parce qu'elle est pas genre une fille mince, grande mince. Ah non, elle est genre cartoonishement buff. Ouais, c'est Hulk, mais pas She-Hulk, là. Non, She-Hulk est quand même crissement stéréotypique dans son body type. Ouais, ouais. Puis, non, c'était cute comme film. Cool. Est-ce qu'on fait des petits jeux en rafale avec le peu de temps qui reste? On a quand même joué à des petites choses. J'espère bien. Ben, on pourrait, mais le festival de court-métrage, ça me rappelle juste à chaque fois que j'ouvre ma librairie de Itch puis que j'essaie plein d'affaires. J'aurais voulu dire, il doit plus t'en rester beaucoup, mais comme je suis sûr que t'as comme 6000 jeux, c'est ça. T'en as fait 77. Genre... Yep. Mais il y en a beaucoup que j'ai fait en stream avec nos merveilleux auditeurs, fait que qu'on n'a pas besoin de mentionner ceux-là. Qu'est-ce que vous avez, vous autres, comme jeu en rafale? Ben, en rafale, je joue à Loop Heroes, ben, avant mais que je parte chez ma mère, là. Parce que impossible que je joue à quoi que ce soit sur mon vieux laptop. Mais, ouais, Loop Heroes. J'en ai parlé de ça. Non, ça a pas donné qu'on ait un podcast depuis. Fait que j'ai joué à ça. Enfin, j'ai joué. Je pense que c'est juste Loop Hero. Ouais, t'as aimé ça? Ouais, c'est Hero ou Heroes? Loop Hero. Je pense que c'est Loop Hero. Et puis c'est cool. C'est pas parfait, mais c'est pas pire pantoute. Je l'ai eu. Je pense que c'est un jeu à 10$, quelque chose comme ça. Puis c'est étonnamment accrocheur, là. C'est comme à chaque fois que je meurs, j'ai envie de recommencer. Puis, c'est un peu. Dans le fond, le principe, c'est que c'est une espèce de roguelike. Ton héros embarque sur la boucle, puis là, t'essayes de ramasser le plus de ressources avant de mourir. Mais, en fait, non, c'est pire parce que. Il faut que tu gamble un peu. Il y a une part de gamble. Est-ce que tu fais une boucle de plus ou t'arrêtes? Mm-hmm. Puis tu gardes tes ressources. Si tu commences une boucle puis que t'arrêtes en plein milieu, là, tu vas juste garder 60% de tes ressources. Fait que là, tu vas en avoir perdu 30. Puis si tu me perds pendant un combat... C'est des belles maths, ça! Ouais, 66, 33. Ah, ok. Une affaire de même. Ouais, 60 plus 30, ça fait 100. Guys, de quoi vous parlez, là? 90 is the new 100. Et puis, fait que. Mais c'est ça. Puis si tu meurs pendant un combat, là, tu gardes comme juste 30% de tes ressources ou zéro. Non, oh, 30%. Okay. Zéro, ça serait trop. C'est 60% si tu pars pendant le loop, mais pas dans un combat, genre. Ouais. Okay, ouais, c'est du gameplay. Si t'arrêtes entre deux combats, là, t'as quand même perdu 30-quelques%, le tiers de tes ressources. Si t'arrêtes. À la fin entre deux loops, là tu vas avoir 100% de tes ressources. Fait comme à chaque fois t'es comme genre, est-ce que je fais un autre loop? Elle risque d'être payante celle-là, mais peut-être que tu sais, je suis rendu à 6 là, et une 7e c'est risqué, mais comme ah ouais, on l'essaye. Puis là quand tu perds, puis t'es comme oh fuck. Pis, moi pis mon avarice. Ouais, à chaque fois, je me fais avoir tout le temps. Pis c'est pour ça que j'ai joué comme... Je suis rendu à comme au moins 15 heures, je pense. Ou 20, là. Genre vraiment beaucoup d'heures, étonnamment. Mais c'est en partie parce que je suis pas bon. Parce que j'essaye toujours... Ah, oh, faire une autre run, pis là... Ah, fuck! T'es trop greedy! Faut pas être trop greedy. Ou ben, tu sais, t'es à la veille de finir la loupe. Puis là, tu sais comme, ah, oh, mais là, je suis presque rendu. Je vais être. Je suis capable de toffer. Est-ce que je vais survivre? Il reste juste deux combats. Faudrait pas que je meure. Si j'arrête tout de suite, et je vais avoir 60% de mes ressources. Si je me rends à fin, je vais avoir tout. Et là, je meurs. Tu l'avant-dernier combat. Puis là, je perds tout. Ah, oh, fuck! À chaque fois. Ouais, le concept, c'est une boucle, justement. C'est un monde où est-ce que tout a disparu parce qu'il y a une méchante goule qui a fait un piège ou quelque chose. Et étonnamment, pour un jeu de cette envergure-là, qui est vraiment un tout petit jeu indie en pixel, c'est un roguelike, on s'attend pas à ce que la narration soit pas pire, est étonnamment pas pire. Comme, c'est pas grandiose, mais comme il y a des petites subtilités que tu fais comme, oh, ok, vous avez quand même creusé votre idée de con. Parce que c'est un bonhomme qui marche là? En rond. Là. L'écriture du lore? Ouais, là? L'écriture du truc est bien foutue. Il y a pas beaucoup de dialogues, mais de temps en temps les petits dialogues sont bien écrits. T'es comme ah ok, c'est bien fait. Le lore quand à un moment donné t'as là qu'une espèce d'encyclopédie là, puis là tu peux lire sur sur les objets que tu ramasses puis les monstres. Puis comme je me suis étonné à genre tout lire ça, puis j'étais comme ah c'est pas pire, c'est fou. Cool. Fait que donc ouais, j'ai pas encore expliqué le concept. Bref, le héros marche en loop dans un monde complètement désert. Puis nous, en tant que joueurs, on peut pas contrôler le héros. Il va toujours marcher. Même durant les combats, on peut pas le contrôler non plus. Il va attaquer. On peut même pas contrôler quel ennemi va attaquer en premier. Tout ce qu'on contrôle, c'est qu'est-ce qu'on place sur la loop. On a des cartes. On pige des cartes. On construit notre deck au début, là. Mais tu fais ton deck, puis là, tu pars en aventure. Puis là, tu utilises ton deck, tu piges des cartes au hasard, puis là, tu les places sur le chemin. Fait que, tu sais, si tu mènes une forêt, ben là, la forêt, elle spawn un rat à toutes les... à tous les jours. Les jours dans le jeu, là, il se passe comme... une journée, ça dure genre 30 secondes. OK. Fait qu'une loupe dure à peu près 5 jours, mettons. Puis, fait que tu te dis, fuck, là, tu fais... Fait que au début, t'as mis, là, ça lui va spawner un rat, mais à la fin, plus ton héros fait des combats, plus la loupe prend du temps. Fait que plus il s'accumule de rats dans la forêt. Fait que quand tu reviens, tu sais, au début, il y avait un rat. À un moment donné, il y en a deux. À un moment donné, il y en a quatre. Et ils ont level up. Puis là, c'est comme Ah ça. Ça oui. commence à faire beaucoup de rats, ça. Puis là, ils attaquent fort. Puis c'est pas des rats, c'est des rats garous, là. Des rats mutants, géants. Des wolf rats, je pense qu'ils appellent. C'est Des des relous. loups. Puis après ça, t'as aussi des combinaisons de genre, mettons, si tu mets un village, le village, quand tu vas passer dedans, ça va te healer un petit peu, puis ça va te donner une quest. Il y a aussi il y a les manoirs de vampires, que ça fait pas apparaître d'ennemis, mais ça fait que les tuiles autour vont avoir des vampires dessus. OK. Fait que, mettons, il y avait un rat, ben là, il va avoir un rat et un vampire. Puis là, le rat va avoir aussi la propriété de vampirism. Puis là, ben, il va Oh shit. t'attaquer. Mais il va aussi te donner des armes qui donnent vampirism. Puis ça, c'est comme pas mal les meilleurs parce que tu manques tout le temps de vie dans ce jeu-là. Fait que n'importe quoi qui te heal quand t'attaques, c'est vraiment bon. Mais si tu mets le village et le manoir de vampires un à côté de l'autre, là, le village devient un village maudit. Et là, il fait apparaître quatre ghouls, quatre zombies qui vont essayer de te taper dessus. Mais pourquoi tu fais ça? C'est parce que, ben, de un, plus ton bonhomme il combat, plus il reçoit d'XP puis de loot. Mais de deux, c'est que là, si tu réussis à survivre quatre loops, le village devient un village protégé. Et là, il heal plus, puis il donne des meilleures quests, puis... En tout cas, C'est fait rendu un comme... village de Vampire Hunter, genre? Genre... C'est un Cool. village... Je pense que c'est comme un village qui est sous la protection du manoir vampire. Ah, Je sais plus comment qu'il ok. l'explique, là, mais comme quelque chose de même. Puis comme... Fait que t'en as quand même plusieurs... J'aurais aimé ça qu'il y en ait un peu plus. Peut-être que c'est juste moi qui les ai pas découvert. Toutes les Les combinaisons de interactions, qu'est-ce hein? que tu mets à un à côté de l'autre... de tuiles, mais fait que c'est cool. Puis tu sais, visuellement là, c'est joli là, c'est tout en pixels, un peu gothique, un peu, comment qu'on pourrait dire, un peu film de vampire là, genre avec des forêts puis des fantômes. Cool. Puis ben, c'est le fun, puis j'ai hâte... Là, je suis content d'être revenu chez nous pour pouvoir continuer à le jouer, puis j'espère me rendre... J'espère le finir. Fait que ça, c'était Loop Hero, mon jeu de avant Noël. Et vous, avez-vous joué à... C'était pas juste un petit jeu, là. C'était une longue explication. Vous, avez-vous des choses à... des jeux à jaser? Vas-y. Vas-y. Ben, je pense qu'on va revenir sur l'année en général, puis peut-être même ma période de Noël un peu plus tard, genre dans des prochains podcasts, mais j'aimerais ça vous parler d'une affaire que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. J'ai peut-être déjà mentionné les simulateurs de Pokémon à l'émission. Oui, plusieurs Les fois. simulateurs de Pokémon? Ben, t'as peur, là. Ouais, ben, tu sais, dans Pokémon, le système de combat est pas full compliqué, là, on s'entend. Fait que, il y a beaucoup, beaucoup d'années, les gens, au lieu de jouer avec des Game Boy pluggés ensemble, vu qu'ils pouvaient pas le faire par Internet, ben, ils avaient comme refait le système de Pokémon, mais sur des forums, sur des IRC, OK. sur des affaires de même. Fait qu'ils pouvaient jouer à Pokémon, c'est juste qu'ils avaient comme reproduit le code à leur façon. Comme, c'est pas. extrêmement difficile, là. Je suis sûr que tu peux imaginer comme que ça se fait, puis ça peut être supporté dans un peu n'importe quoi, là. Fait qu'on appelle ça un simulateur. Ça sert juste à faire des combats de Pokémon, puis tu peux, genre, rentrer manuellement c'est quoi le Pokémon que tu veux, c'est quoi tes 6 Pokémon que tu veux, c'est quoi qui tiennent comme item, c'est quoi les moves qu'ils ont appris. Évidemment, il y a un système de légalité qui regarde si comme il y a le droit d'apprendre ce move-là. Tu peux OK. seulement leur donner des affaires qui ont le droit. Mais ben maintenant dans les simulateurs, il y a beaucoup de différents formats, là. Fait qu'il existe des formats qui s'appellent Hackmon, où est-ce que par exemple, il n'y a pas de check pour. Fait que là, tu peux jouer tout avec des gens qui mettent n'importe quoi sur n'importe qui. Bon, OK. par exemple. Fait qu'à l'époque, c'était Pokémon Online. Après ça a été un Pokémon Showdown. Puis je pense que Pokémon Showdown a fini par gagner. Parce que j'ai un ami l'autre semaine qui m'a dit hey, ça, si ça te tente, on pourrait jouer à ça. Puis j'ai été voir, ça a été surprenamment facile. Je jouais ça sur mon téléphone. Tu vas juste te loguer sur le site web. Tu vas rentrer c'est quoi les Pokémon que tu veux. Puis paf, tu peux jouer. Mais tu joues Puis contre là. du monde ou tu joues contre Ouais. la... Ah oui, C'est compétitif, tu pèses, puis comme au hasard, ça te pogne un opponent. Idéalement, essaye de matcher ton rang. Parce qu'à chaque fois que tu joues, il te fait un rang, puis il essaye de te caser avec quelqu'un qui ressemble. Et puis, si tu gagnes des points. Si tu perds des points. Mais si tu perds contre quelqu'un de meilleur que toi, t'en perds pas beaucoup. Puis si tu gagnes contre quelqu'un de meilleur que toi, ben là, t'en gagnes une bonne bunch. Ça sert à te balancer ton ranking. Je me suis fait du fun. Anciennement, je jouais comme le format le plus populaire, là. Fait que c'était comme les Pokémon de maintenant, avec une équipe de 6, un contre un, comme une affaire standard. Là, j'ai Le commencé de classique, là. quoi d'un petit peu plus spécifique. Fait que les gens qui connaissent un petit peu Pokémon doivent savoir qu'il y a des mécaniques qui ont comme dans les 3 dernières générations, il y a des mécaniques qui sont venues puis qui sont parties. Comme il avait fait les méga évolutions, ben là il y en a plus. Il y avait une affaire qui s'appelait les Z-Moves, puis là je pense qu'il y en a plus. C'est dans Sun and Moon, tu sais, ouais. Là maintenant les Pokémon ils peuvent devenir Dynamax puis Gigantamax. Ça c'est la nouvelle affaire. Bon, et puis, dans la dernière génération, tu peux pas avoir tous les Pokémon comme ils sont pas tous supportés. Moi, ce que j'ai joué, c'est un format imaginaire qui s'appelle le National Dex, où est-ce que tout existe en même temps. OK. Comme tous les Pokémon sont adaptés pour que toutes les mécaniques qui ont déjà existé soient valides puis peuvent marcher en même temps le plus possible. Fait que comme les Pokémon qui existent plus dans les nouveaux jeux, mais sont de retour. Puis les Z-Moves qui existaient plus, ben là, ils existent. Mais ils n'en ont pas fait des nouveaux, ils ont juste mis ceux qui étaient déjà dans le jeu, mettons. Ouais, c'est ça. C'est OK. tout basé sur le vrai jeu. C'est juste qu'actuellement, dans le vrai jeu, tu peux pas jouer à ce format-là comme il existe pas. Parce que dans le vrai jeu, tu peux pas tout avoir. Puis, même plus spécifiquement que ça, je joue à une variante qui s'appelle le monotype. Fait que là, moi, OK. je joue comme si j'étais un gym leader électrique. Oh Tous my mes God. Pokémon sont électriques. Puis tous les gens contre qui je joue, eux autres aussi sont obligés d'avoir un type que toute leur équipe partage. Cool. C'est vraiment cool. Genre, t'arrives, puis t'as quelqu'un, c'est tous des Pokémon haut. Mais c'est parce qu'il y a plein de Pokémon double type vraiment bizarres, là. Fait que c'est pas parce qu'ils sont tous hauts que je suis capable nécessairement de les péter avec mon électricité. Parce qu'il y en a OK, qui sont hauts mais plantes, il y en a qui sont hauts mais ground, fait que comme ça leur fait rien. Il y en a qui ont des habilités spéciales qui font que mon électricité sert à rien. Donc moi, de mon bord, j'ai des Pokémon avec plein de double types qui font des affaires que tu te douterais pas pour être capable de résister à tout ça puis être capable de les attaquer comme il faut. Puis ce que ça fait aussi, c'est que il y a pas énormément infinis de choix qui fonctionnent bien dans ce metagame-là. Fait que tu peux juste aller voir sur le forum, il y a une liste relativement limitée de Pokémon qui fonctionnent bien. Fait que comme toi, tu fais ce que tu veux dans ton équipe, tu mets ce que ça te tente. Mais ce que tu vas voir, comme dans les teams efficaces, ça rentre facilement dans une tête. T'es pas obligé de connaître comme les 800 Pokémon juste au cas où quelqu'un les utiliserait. Quand tu vois comme quel type il va faire, t'as une bonne idée c'est quoi les choses qu'il pourrait essayer de faire. C'est plus facile de rembarquer dans un metagame comme ça. Fait que, ouais, j'ai décidé de juste jouer à un metagame particulier, vraiment unique. Sur Pokémon Showdown contre des gens, puis c'est le fun. Cool. Cool. Mais non, je connaissais pas ça. Parce que ça, tu dis simulateur de Pokémon, Narf, il a fait ben oui, t'en as parlé plein de fois, puis je suis comme. Je suis pas sûr, non? Moi, ça Non. me disait fuck all. Ouais. C'est pareil comme Pokémon, c'est juste que t'es pas obligé de comme des attraper, des leveler, de faire des egg moves, puis essayer d'avoir des natures, puis que. Comme que ça prend 8 mois faire un Pokémon, puis après ça, en plus, faut que tu le testes dans ton équipe pour te rendre compte que bof, il est pas si bon que ça. Non. Ah, puis du G-Farming, ces trucs-là, là. Ouais, c'est ça. Ben là, tu fais juste comme écrire qu'est-ce que tu veux, tu l'essayes, pis t'es comme non, j'aille ça, tu changes. Il y a une Nice. part de. Les tournois de Pokémon, ça a une part de. Ben, comme de vrai entraînement. Tu sais, Oui, genre. I guess. Parce que, comme. Gosser pendant 8 mois pour entraîner le Pokémon parfait, c'est un peu comme être un coach ou un. Tu sais, qui va entraîner un. Le coach de Rocky, mettons. Puis là, t'espères que Rocky va gagner. Ou le coach de quelqu'un qui s'en va aux Jeux Olympiques, puis là, t'espères qu'il va C'est gagner, juste puis là, que. des fois, il gagne pas. C'est juste Comprends, comme mais si, c'est tout genre, pas Rocky, à un vrai. moment donné, il plafonnait. Fait que là, tu vas le faire reproduire pour qu'il te fasse un bébé, puis là, t'espères que son bébé il a hérité de toutes ses meilleures qualités, puis il a pas hérité de tous ses défauts. Puis Ouais, là, tu genre. recommences. Ouais, pas mal. C'est pareil. T'es comme Rocky, faut encore que tu te reproduises avec la glu rose. Oui, c'est ça, comme Rocky. C'est ça, en plus, tu y fais faire genre 60 bébés, pis là, t'es shift tout genre mauvaise Avec la nature, glu mauvaise nature, rose. mauvaise nature. Je vais juste aller me promener avec mes 60 œufs dans mon sac à dos sur mon vélo. Ah oui. C'est quoi ça? Oh, mais le Pokémon. Prendre une petite marche de santé, ça sera pas chiant. Et comme, oui, je comprends, mais comme. Déjà, là, de jouer un jeu où est-ce que quelqu'un essaye de deviner quel move tu vas faire pour savoir s'il va switcher, et puis comme. C'est déjà un bon jeu, comme t'as pas besoin de la couche de chianterie de faire du basic avec des œufs, là. Mais c'est que cette couche-là est le fun C'est. quand tu joues pas compétitivement. Aussitôt que tu joues Ouais, compétitivement, effectivement. ça me fait, pour vrai, ça me fait juste penser aux compétitions de Magic que pour avoir la meilleure carte, faut que tu achètes tous les paquets de cartes puis tous les boosters de cartes puis que tu dépenses plein de cash jusqu'à ce que tu trouves la bonne carte par hasard. Parce que c'est elle qui est la meilleure dans le méta pour la compétition. Ouais. Je trouve ça tellement con. Mais au moins, il y a un marché secondaire, puis au moins, quand, mettons, t'as pas réussi ou t'es tanné, tu la revends, puis des fois, t'as perdu un peu de valeur, mais des fois, t'en as gagné. Au moins, t'as comme quelque chose. Au final, si tu revends toutes tes cartes, peut-être t'as perdu un peu d'argent, mais c'est comme c'était le prix d'avoir joué à quelque chose. I guess, mais comme, faut que tu passes. Dans Pokémon, Tu sais, comme, non. tu peux pas juste design. Comme c'est ça, comme dans Pokémon, tu peux pas juste design la meilleure équipe, faut que t'as face. Mais dans Magic, tu peux pas juste design le meilleur deck, faut que tu le magasines pis que tu le trouves, genre, je Ouais. trouve ça cossant. Ouais, je connais. Il y a des parallèles. C'est juste que dans Pokémon, vu que c'est un logiciel, tu le sais que c'est tout artificiel. Ben oui. Comme, c'est un peu bizarre. Comme avant, les versions de Pokémon, quand ils sortaient, dans la ROM de la cassette, t'avais différents Pokémon que c'était écrit qui t'avais dans la cassette ou pas. Comme c'était écrit où est-ce qu'ils apparaissaient ou pas, pour que les deux versions soient différentes. J'ai appris que le nouveau Diamant et Perle, la réédition de Diamant et Perle, c'est la première fois, là, mais c'est le même jeu, puis il y a un flag 0 ou 1 qui te dit c'est lequel. Pour vrai. Ouais. Il y a un flag 0 ou 1 qui change tout le reste du code. Fait que là, ben, il y a Ouch. des gens qui ont acheté le Dual Pack collectionneur. Ils se sont-ils fait avoir ou comme. Ah, ok, oui, parce qu'ils ont deux fois le même jeu, là. Ils ont deux copies du même jeu, avec juste une Switch à on, puis une Switch... Ouais, en tout cas, ouais. Puis, si tu vas plus loin, on se faisait déjà avoir, parce que finalement, c'était comme... Mais... Ça n'a jamais été des grosses différences. C'est littéralement un bit. C'est un bit. C'est à se demander si... Si ça... Est-ce que comme quand tu achètes les deux sur le Nintendo Shop... Est-ce qu'il download, mettons, il va le downloader, puis quand tu vas downloader le deuxième, ça va se downloader instantanément parce qu'il est assez smart de faire comme, ok, ça tu l'as déjà, on va juste comme, tu sais, on te donne deux la entrées. La patch, là, downloader la patch, là, c'est, ouais. C'est le launcher qui décide de. Ça se peut. Il pourrait même faire que c'est genre. C'est le même jeu, tu pars sur la cassette, sur ton menu, c'est le même jeu, puis tu le pars, puis quand tu le pars, il te demande, tu veux-tu A ou B? J'ai l'impression que les speedrunners vont être capables de, genre, gosser dans la mémoire, puis aller chercher les Pokémon que tu devrais pas avoir, là. Ah oui, parce qu'ils sont là. La Switch est déjà hackée pour certains, fait que forcément, tu peux mettre des cheats, ben tu peux cheater ton jeu pour le changer de jeu. Ah oui, ok. Ta save, elle va pas marcher. Mais comme je pense que tu peux faire quelque chose. Mais moi, quand j'étais jeune, je comprenais déjà pas tant pourquoi. Mais comme, en fait, le but d'avoir deux versions, c'est parce que c'est un jeu qui repose beaucoup sur socialement s'échanger des Pokémon. Fait que ça, c'était pour ça, là. Mais sinon, moi, j'ai jamais compris les gens qui achetaient les deux. Parce que basically, ça veut dire que tu veux jouer deux fois, là. Oui. Puis si tu joues exactement au même jeu, là. Tu veux échanger avec toi-même, en plus, faut que t'aies un deuxième Game Boy, fait comme... Ouais, fuck off, ouais, c'est ça. T'es donc ben loadé, man, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu peux avoir les deux jeux, pis là, t'empruntais le Game Boy d'un ami pour te l'échanger. Ouais. Moi, c'était plus ça que je faisais. T'avais-tu deux jeux de la même génération? Non. Ça, non. Parce que tu vois, c'est, je veux dire, tu pourrais rejouer au même deux fois, là. Si t'es rendu en 2004 puis tu reprends rouge puis bleu que t'as trouvé au club vidéo puis que là tu décides que tu fais ça, c'est une affaire, mais quand t'es vraiment jeune puis ça vient de sortir, ça fait spécial. Comme tes parents t'achètent tout. Ben aussi, ouais, non, mais c'est plus que comme. Je vois pas ça comme. C'était mon argent, là. J'avais pas les budgets pour. Ouais. Je pense qu'avant aussi, il y avait plus. Il y avait plus l'accent sur comme qu'est-ce qui est différent entre les deux. Comme tout le monde savait que Scyther puis Pinsir, t'en avais un dans un puis l'autre dans l'autre. Mmh. C'est comme les deux gros insectes forts qui en a un. Sont pas dans le même jeu, là. Clairement, ces deux-là, tu le savais. Puis il y en avait quelques-uns comme ça que c'était majeur. Mais Astar, comme bonne chance pour savoir qui est dans quoi, puis comme qu'est-ce que ça fait. Ah, je suis pas mal sûr que c'est dit, par j'imagine exemple. Que c'est le marketing qui te... Ouais. Comme les trailers. Justement, je pense que même ça, ils ont arrêté. Ils ont juste continué de faire deux versions parce qu'ils ont toujours fait ça puis il faut pas changer des affaires qui marchent. Mais il y a toujours le légendaire qui est sur l'image quand t'achètes le jeu, là. Ouais. Mais tu peux pas mal mais tout le temps l'avoir dans les deux. Pour vrai? Parce que dans... Pearl pis Diamond qui sont les nouveaux refaits. En tout cas, je sais pas comment dans les nouveaux refaits, mais dans le temps, je pouvais juste avoir Palkia, je pouvais pas avoir Dialga. Mais, ouais, je sais pas. Mais les autres Pokémon, j'imagine qu'il y en a d'autres, non, mais ça, je sais pas, par exemple. Les légendaires de pochette pis de genre. Ouais, Pokémon Sword and Shield, c'est les Doggo avec le Sword pis le Doggo avec le Shield, là. Ouais. Je sais pas, je pensais à genre Pokémon Gold pis Silver où est-ce que toutes les légendaires étaient disponibles, peu importe. C'était d'autres choses qui changeaient. C'est pas Suicune puis Entei? Non, donc non, tu ça c'était. Dans ceux-là, c'était Lugia puis Oho. Ouhou. Ouais, mais tu pouvais avoir les deux dans le même jeu. T'es sûr que c'est pas juste dans Crystal que t'avais les deux dans le même jeu? Ah, ben peut-être. Parce que le but de faire une troisième édition, c'était ça, là. Je pense que Blob a raison, puis c'est juste qu'il y en avait un que t'avais assez tôt, puis l'autre, tu l'avais vraiment plus tard. Ah, ça fait se que peut. C'est comme l'ordre changeait. Ça se peut. Mais après c'est, ça, il y avait quand pareil. Même... Ils trouvent le moyen de nous vendre une troisième version après qui combine les deux. Comme n'importe quel autre jeu ferait ça, puis on était comme « fuck you », genre, tu sais. Le monde accepterait pas ça, en tout cas. Ben, c'est comme si Mass Effect 3 était sorti, puis tu pouvais sortir Mass Effect 3 avec le ending bleu, Mass Effect 3 avec le ending rouge, puis que là, comme 6 mois plus tard, ils te sortaient « Ah, mais là, tu peux avoir Mass Effect 3 avec le ending vert. » Puis il y a la Battle Tower dedans. C'est vrai que... Aïe, ouais, c'est vrai que... Tes bonhommes, ils peuvent changer de forme, certains. Ah oh, ouais, c'est ça, il y a un des Mass Effect 3 que t'as Grunt, puis il y en a un que t'as Miranda, puis genre, l'un, il est pas dans l'autre, là, ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas. Qui, si t'es échanges l'un pour l'autre, comme, ils fusionnent. Miran-Grunt. Miran-Grunt. Mais ils font plus vraiment la troisième édition pour les Pokémon, là, en fait, depuis... Ouais, ils ont pas mal arrêté. Ouais, c'est ça, je pense que depuis Pearl Diamond, c'est la dernière fois, puis... Mais ils ont fait... Ouais, ça ressemble à ça. T'sais, ils ont fait Black and White 2, puis Ultra Sun, Ultra Moon, mais ça, je pense que c'est plus comme un 2, un tome 2, genre. Je les ai pas joués, là, mais j'ai comme l'impression que c'est comme une suite. Puis c'est une nouvelle histoire, et non, tu fais pas juste recommencer la même affaire du début, hein. C'est ça, j'ai compris. Mais tu peux-tu confirmer, mais... Blob, ou... Non. Non, je peux pas confirmer. Les mainline games, ça fait un bon bout de temps que je les joue plus. Non plus. Parce que, comme, on en revient, comme les histoires sont pas super bonnes, les jeux sont pas assez difficiles. C'est quoi Pokémon Ultra Sun et Ultra Moon? J'étais vraiment content de jouer à Black 2 ou à White 2, je sais plus lequel j'avais, parce que il y avait un mode difficile si ça te tentait une fois que t'avais fini. Puis les gyms étaient super intéressants. Comme les gyms, ils t'envoyaient des Pokémon des fois qui étaient hors type juste pour que t'aies de la misère. Ah ouais. Sérieusement, là, habituellement, les jeux de Pokémon, tu peux les briser en levelant toujours le même puis ils cassent tout. Oui. Ouais. Ça avait pas marché. Shit! J'avais pas été capable, j'avais été obligé vers le début du jeu de me pogner d'autres choses pour réussir. Ah, oh, ben là... Mais ça aurait fini par marcher si j'avais battu des level 3 pendant des semaines. Mais comme je voyais que ça bloquait puis que ça marchait pas automatiquement, fait que j'étais plus intelligent d'aller pogner d'autres choses. Puis je me semble, une fois que t'avais fini le jeu, t'as une place où est-ce que tu rentrais dans une maison, là, pas longtemps après avoir débloqué le hard mode, que là tu fais « Ah, je vais l'activer, de toute façon je tue tout ». Tu rentres dans une maison, puis là, il y a quelqu'un qui vient te parler, puis c'est Cynthia, la championne de l'autre génération d'avant, que ça donne à voyager par là. Puis là, c'est cool, là, c'est un ancien personnage, puis elle est comme, ah, oh, t'es un trainer, on va se battre. Puis là, elle arrive, puis elle est comme super forte, puis elle te tue. Ouh. C'est cool. Il n'y a jamais ça dans Pokémon, puis il n'y a jamais eu ça non plus. Ultra Sun et Ultra Moon, ça repart là où t'étais au début de Sun and Moon, mais c'est un alternate storyline. Ah bon. Yep. Ok. Ça se peut qu'il avait introduit des univers parallèles dans celui-là. Ouais, c'est peut-être ça. Ah, okay. Nintendo juste... n'est pas à l'abri de la Marvelification. Il n'y a pas encore d'univers parallèle beaucoup dans Marvel, comme il y a eu un film avec ça. Hey, ça me fait penser que là, j'allais dire on va caler la fin du podcast parce qu'il est 10h, mais on n'a pas parlé pantoute de la nouvelle de Activision qui s'est fait acheter par Microsoft. Ça va être quand même une Activizer. Quand même une grosse nouvelle. Je sais pas quand si. Quand même une grosse nouvelle. J'ai pas vraiment vu d'autres choses depuis que ça a été annoncé, puis je sais pas non plus si c'est encore officiel, parce qu'il fallait que ça passe la révision des instances antitrust, puis ces trucs-là, là, fait que... J'ai vu que ça allait prendre comme... J'ai lu que ça allait prendre peut-être un an avant que ça se fasse, fait que ça va. C'est sur Bloomberg, fait que, ouais. Mais... Les mimes sont lit, sinon, je sais pas. Les mimes sont lit. J'en ai mis sur le Discord. Vous viendrez sur notre Discord checker les mimes. Qu'est-ce qu'on fait si jamais Micractilizer décide d'acheter On a juste une vie? On le vend le plus cher possible puis on se fait une retraite dorée. Oh, ouais. Je pense que ça serait ça l'idée. Puis après ça, on part On a juste une vie 2. on avait une deuxième vie finalement. Comme, ouais. Comme le podcast Tu me niaises, que j'en parle tout le temps, je sais, là, mais comme, ils ont voulu acheter tumeniaise.com pour mettre leur site web, puis la personne refusait de le vendre. Puis là, ils ont niaisé la personne, en fait, OK, mettons qu'on t'offre 30$. La personne était comme, non, fuck you. Était comme, OK, d'abord, on t'offre 20$. Dernière offre. Puis en tout cas, ils ont niaisé comme ça pendant un bout. Puis là, finalement, ils ont juste acheté tumeniaise2.com. Fait que leur site web, c'est tumeniaise2.com. Puis c'est très drôle. Et puis, pourquoi je racontais ça? Ah oui, parce que c'est clairement ça qu'on va faire si Microsoft achète notre podcast. Ça arrivera ouais. pas. Pourquoi qu'on parle de ça? Pas pour 60 milliards non plus, là. C'est ça, 60 milliards? C'est genre quand même... Parce que je sais pas quoi dire sur cette transaction-là, à part ce que tout le monde dit, là. Est-ce que le boss de Blizzard va se faire garocher? Mais... Ouais, c'est ça, mais non plus, j'ai rien d'autre à dire, à part genre comme... j'espère juste qu'il soit malheureux, lui, dans la vie, là, c'est tout, là. J'ai l'impression qu'il va être très chaudement payé pour cette transaction-là. Et qu'il... Et s'il se fait quitter... C'est de souhaiter le malheur. T'es mieux de dire « j'aimerais mieux qu'il n'existe pas ». Parce okay. que comme il n'y a pas de malheur, il n'existe juste pas. Non, il y a assez de cash pour vivre plein de malheurs. Je sais pas. Ah oui, ça c'est correct, mais... non, mais c'est... Tu sais, je me demande tellement... Moi, je me pose encore la question de... Ça fait plus mal à toi qu'à lui. Ouais, je me pose encore la question de pourquoi est-ce qu'il a continué à garder les mains crispées sur Blizzard puis à faire genre non, je m'en vais pas, même si ça faisait plus aucun sens point de vue business, point de vue PR. Puis... Tu sais, si le board était encore de son bord, c'est clair qu'il devait leur donner des pots de vin ou quelque chose, parce que je veux dire, c'était pas bon pour les actions de Blizzard, c'était pas bon pour les actionnaires, c'était pas bon pour personne, là. Genre, tu sais, ce que tu fais quand il arrive une situation comme ça, c'est que tu dis bye-bye, de toute façon, t'es riche, t'es un millionnaire, tu vas te faire engager par une petite grosse compagnie pour aller sur son... Il est déjà sur le board de d'autres, genre Coca-Cola, je pense que comme... Il est correct, là! Genre, fait que pourquoi qu'il naît si fort que ça? C'est weird, genre. C'est clairement une espèce de désillusion, denial de personnes milliardaires, là. Mais genre... Fait que, tu sais, s'ils réussissent juste à, genre, il décoller ses doigts crispés sur le bâton, ben, ça va déjà être ça. Ou ben Microsoft verrait ça comme étant une bonne chose, genre, ah là, ça va être tumultueux de passer, de faire cette transaction-là, fait qu'au moins, on va laisser le CEO qui connaît ça, fait que, tu sais, il fait bien ça, fait qu'on va le laisser faire. Genre, entre guillemets, il fait bien ça, parce qu'évidemment, on sait qu'il fait pas très bien ça, mais la compagnie fait de l'argent, comme... Non, là, comme, ben, en tout cas, ouf, l'action... Mais là, l'action de Microsoft est complètement dégueulasse dans le tapis depuis cette annonce-là. Moi, j'ai l'impression que Microsoft va se faire plein de capital. Ben oui, mais là, je veux dire, ils vont maintenant développer Call of Duty pis tout, là, fait que, tu sais, les investisseurs sont comme, OK, le portefeuille de Microsoft est encore plus gros, ça vaut la peine d'investir là-dedans, c'est une valeur sûre, là. Attends, tu veux dire que Microsoft a monté ou a baissé? A monté. Ah, OK, j'avais cru comprendre Je pense que les gens y voient un certain potentiel. Ben oui. Mais okay, c'est ça, moi j'ai l'impression que Microsoft va se faire du capital de sympathie aussi en disant genre on a pris une pauvre compagnie qui allait donc mal, puis là c'est nous autres qui va la prendre puis qui va la remonter, on est donc fin, on arrive en sauveteur, genre, tu sais. Mais... Peut-être. Les gens associent même plus Microsoft à Windows maintenant, comme c'était le cas jadis. Là. Microsoft sont rendus vraiment ailleurs. C'est rendu Xbox. C'est plus Windows. Il y a ça, puis leur Game Pass est comme plus que populaire. Puis comme si tous les jeux de la Terre s'en vont sur la Game Pass, c'est sûr que ça sonne comme du gros argent. Ça va dans mes prévisions 2022, là. Mais 2022, c'est trop tôt, là. Mais en tout cas, ça va dans mes prévisions crunchy, là. Ça va être genre World of Warcraft sur la Game Pass. Là. Ouais. Plus Microsoft achète la planète Terre pour la mettre sur la Game Pass, plus il y a des gens qui sont heureux. World of War Pass. World Moi, of j'ai hâte qu'ils se mettent à milker toutes les franchises comme des fous, là, pis qu'ils fassent genre Diabloons Tower Defense. I'd play Le that. crossover ultime. I'd play that. Diabloons, c'est quoi la... C'est Bloons, Bloons Tower Defense. C'est un jeu que t'es des singes qui pètent des ballons. Les ballons attaquent ta base de singes, pis tu garoches des darts dedans, en tout cas. Ok. Ça existe. C'est drôle. Il y en a comme 6 ou 9. 6, je pense. Ils sortent ça à pelleter, là, tranquillement. Puis ça a l'air que c'est très bon malgré ça. Il y a un mémine. Diablo Dance Revolution. Hello! Gab. Il dit Dance Showdown, je sais pas c'est quoi. Préfère DDR. Diablo Dance Revolution. Forza StarCraft Horizons. J'aimerais ça, hein? Genre Forza. Sur la slime Zerg, là, faire de la drift dans slime de Zerg. Oh my god. Yeah. Moi, j'ai hâte qu'il fasse Halo Kazooie. Oh my god. Ça, il pouvait déjà. Alors, faut garder ça pour notre épisode de prédiction, là. C'est bon, c'est bon. Je vais prendre des notes. Je vais être déjà, ça n'a aucun rapport avec Blizzard. Non, mais c'est deux compagnies qui possèdent déjà. Fait. Ouais. C'est ça. Cool. Fait que ça va être intéressant de suivre cette histoire-là, puis qu'est-ce que Microsoft essaye de faire avec ça. Ouais, c'est ne ça. Ne serait-ce que parce que c'est toujours drôle de regarder les géants se battre en haut, là. Exactement, c'est ça. Tu sais, je suis pas dans le commentaire, juste parce que comme... c'est. C'est comme quand. Des grosses compagnies qui font des gros deals. Puis... Comme quand Epic et Apple et Google se sont battus et se battent encore. En tout le petit monde, on était comme. Yeah, pizza, yeah! Peu importe qui gagne, nous on perd. Fait que... Les gros Rock'em Sock'em robots faits en argent. Genre, vraiment, c'est vraiment ça. Fait que, ben, je pense qu'on va terminer là-dessus. Une chance qu'on n'avait pas grand-chose à dire. Alors, ça faisait longtemps, pas là. Grand-chose à dire. Non, mais sur Blizzard. C'était pour... ben, je suis content qu'on ait fait ce podcast-là. Bon. Qu'on ait pas, on a choisi de pas faire notre traditionnel épisode de début d'année, tu sais, prédiction, revue de l'année pis tout, parce que on s'est dit qu'on allait prendre ça mollo vu que ça faisait plusieurs mois. On avait besoin d'une pause thérapeutique pis d'un retour thérapeutique. C'est ça. Fait qu'on revient tranquillement. T'sais, vaut mieux revenir tranquillement pis t'sais, avoir un bon épisode de prédiction plutôt que de l'avoir rushé aujourd'hui. Ah, ça aurait pas été aujourd'hui les prédictions, là. Je sais pas. On fait tout le temps un épisode de rétrospective, puis on ne se rend jamais aux prédictions. Ouais, je sais bien. Mais comme, même la revue de l'année, si parler de mes jeux de l'année, j'étais pas prêt non plus. Ah. Là, comme, va falloir que j'aille relire, parce que honnêtement, je sais plus. Je suis un peu. Ben, on est encore en time warp pandémique en plus, là. Ouais, c'est weird, là. Les années sont fondues ensemble. J'avais encore l'impression que j'avais joué à plein d'affaires, là, pis crime, en 2020, j'ai joué à des millions de choses, en 2021, j'ai fucking rien fait, on dirait. C'est moi, c'est bizarre, ça l'affaire. Là. Ben, je pense que mon burn-out a vraiment fait en sorte que je jouais plus à rien. Comme j'ai joué beaucoup à le jeu sur Mars, le Off-World Trading Company. Mm-hmm. Mais à part ça, à quoi j'ai joué? Ouais, c'est ça, je regardais. C'est pas que j'ai pas joué, mais j'ai joué à des jeux qui sont comme du comfort food. Genre, j'ai joué à plein de jeux de puzzle. Comme des Picross pis des affaires de même. J'ai joué à Minesweeper pendant genre 6 mois non-stop. Là. Genre, c'est ça qu'au lieu de jouer à des grosses affaires pis des gros RPG, comme en 2021, j'ai juste joué à des jeux comme tranquilles pour relaxer. On a joué à Wordle sans arrêt. Non, ça c'est le nouveau de cette année. Là. Ah, c'est vrai, hein? C'est vrai, c'est en 2022, voilà. En tout cas, fait qu'on en reparlera de tout ça dans notre épisode de rétrospective. Là, je pense pas que c'est Wordle 200 quelque chose. C'est juste qu'on vient de le découvrir. Ouais, mais ouais, je savais pas c'était quoi encore. Fait que... Si vous voulez... Ah, alors, je sais pas si on a pas de mot de la fin. On a pas de mot de la fin, on a pas le temps. Bizarre. C'est une attaque de Pokémon. Fait que si vous voulez avoir plus de On a juste une vie dans votre vie, vous pouvez vous abonner. Tout passe par notre site web onajusteunevie.ca. Il y a les liens vers notre compte PeerTube pour écouter les vidéos, notre Twitch pour écouter les lives, YouTube aussi. Puis on est sur Apple Podcast et sur les autres applications de podcast. Si vous voulez nous envoyer des emails, on est à info@onajusteunevie.ca. Merci à tout le monde qui était là dans le chat. Merci Gab, merci qui c'est que j'ai vu passer, JC et les autres que j'oublie. Merci à Blob et Anne-Marie d'avoir été avec moi ce soir. Merci à toi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine parce que on a juste une vie. Wow, je savais vraiment pas comment finir un podcast. Ben, ça paraissait pas. Ça faisait longtemps. J'étais comme...